D'abord, je peux-tu... je voudrais vous demander une question à la salle. C'est une question, c'est une référence pour l'avenir. Est-ce que la salle préfère des conférences occultes ou des conférences psychologiques, là, comme on parle aujourd'hui? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est la préférence de la salle? J'ai le mot des bras pour l'occulte. Occulte. OK. Puis des conférences psychologiques, là. Fait que c'est à peu près 50-50. Alors, ce qu'on devrait faire... une partie... ce qu'on devrait faire, c'est peut-être interner. Parce que la psychologie de tous les jours, c'est très important. La psychologie occulte, c'est important aussi, parce que c'est la fondation des mécanismes de la conscience humaine. Par contre, le problème avec la psychologie avancée ou la psychologie occulte, c'est que avant que l'homme puisse intégrer toutes ces notions-là dans la vie de tous les jours, ça peut prendre un certain nombre d'années. Puis souvent, l'homme peut rester accroché là-dedans. Puis la vie aujourd'hui est tellement difficile qu'on a besoin réellement de comprendre ce qui se passe sur le terrain des vaches avant d'aller... c'est à peu près 50-50. Ou ce que je pourrais faire, c'est que quand, au cours des conversations, c'est facile de passer d'un plan à un autre, puis de donner satisfaction à tous. Maintenant, dans la deuxième partie, le sujet, c'est supporter sa parole. Vous avez, à un certain moment donné, vous avez indiqué que les personnes avaient besoin de... quand il y avait à se mettre en vibration pour communiquer de l'information à une personne qui est en situation problématique, il fallait qu'il soit capable de supporter cette vibration, donc supporter la science, la conscience. Est-ce que c'est vraiment difficile de supporter une situation où on est mis en vibration et qu'on a à livrer une science quelconque? C'est pas tellement que c'est difficile, mais ça demande... ça demande un certain degré de centricité. C'est avec le temps qu'on en arrive à savoir ou à réaliser que ce que l'on dit, c'est ça. C'est un ajustement du corps mental. Puis, comme on fonctionne beaucoup au niveau de notre personnalité, comme on est très divisé dans notre conscience par rapport au principe de la vérité ou de l'erreur. L'ego cherche toujours à être dans la vérité, puis il cherche à s'éloigner de l'erreur, et ainsi de suite. Puis, dans la mesure où l'homme va réellement accéder au plan mental, il va se dessouder, il va se libérer de cette tension psychique qui existe ou qui sous-tend la vérité, puis l'erreur. Puis, un jour, l'homme découvrira que ce que nous appelons aujourd'hui la vérité, c'est une facette de la réalité. Donc, étant simplement une facette de la réalité, il y a en elle de l'erreur. Vous ne pouvez pas, c'est impossible sur une planète expérimentale que la vérité soit absolue. Si la vérité est absolue, on n'emploierait pas le terme vérité. On dirait que telle chose est réelle. Donc, à l'erreur ou au faux est opposé le vrai, les deux étant soutenus, mis en synthèse par la réalité. Et la réalité, ça fait partie de la conscience mentale supérieure. Cette conscience-là est capable de traiter avec le vrai et le faux. Mais à ce moment-là, l'ego n'est plus perturbé par la tension psychique que crée la recherche de la vérité ou l'éloignement par rapport au faux. Et quand un homme est dans une conscience mentale suffisamment intégrée, à ce moment-là, quand il parle, la tension psychique du vrai ou du faux ne vient plus à son attention. Il n'est plus impliqué là-dedans. Donc, à ce moment-là, il devient très libre de parler. Donc, il devient très, très créatif. Puis, à ce moment-là, il peut soumettre au jugement de l'homme ou à la conscience de l'homme des aspects qui sont absolus en soi et que lui est capable de facilement recevoir sur le plan mental parce qu'il n'est plus bousculé ou tiraillé par le vrai et le faux. Donc, au fur et à mesure où l'homme va développer une certaine centricité, au fur et à mesure où il va s'habituer à supporter sa parole, à parler créativement, il va s'éloigner de la polarisation du vrai et du faux, il va rentrer dans la réalité de sa conscience mentale, et c'est là que l'homme va amener sur le plan matériel une science neuve, c'est-à-dire une science qui n'est pas reliée à la mémoire d'humanité, qui n'est pas reliée aux conventions humaines, et qui permet de jeter une nouvelle lumière sur l'évolution de la conscience, ou les lois de la conscience. Bernard, l'impression qu'on a de supporter, c'est souvent lié à une impression d'effort. On a l'impression que c'est un effort de supporter quelque chose. Mais de la façon que vous parlez, l'effort semble revenir juste au fait d'éliminer le vrai et le faux. Parce que, en c'est réalité. C'est pas tellement l'effort comme une souffrance. Une souffrance. Ouais. Quand on s'habitue à supporter une vibration qui vient du plan mental, donc qui est totalement libre du vrai ou du faux, en tant qu'ego, c'est difficile parce que on a tendance à toujours vouloir vérifier ce qu'on dit. Puis quand on cherche à vérifier ce que l'on dit, on perd de l'énergie. Ah, c'est ce qui fait l'effet de support. Là. Et ça, c'est ça qui crée la tension, c'est ça qui crée la souffrance. Tandis qu'un homme qui est dans le mental ou qui parle et qui n'est pas impliqué dans le vrai ou le faux, à ce moment-là, il ne perd pas d'énergie. Donc, il apprend au fur et à mesure où il parle, puis éventuellement, il va avoir une maîtrise de la vibration à un point où le mot est très juste, puis et là, il peut entrer dans des domaines de la vie mentale ou de la vie à n'importe quel niveau, et réellement occultifier la science de l'esprit, qui est ce que nous appelons la connaissance. La connaissance sur la Terre, ce n'est pas la science de l'esprit. Ça fait partie de la science de l'homme, basée sur l'expérience de l'homme, basée sur l'analyse, sur la réflexion, sur la mémoire de l'homme. Alors que la science de l'esprit, c'est une énergie qui fait partie du rapport étroit entre le mental supérieur de l'homme et ses plans de lumière. Une fois que l'homme s'habitue à cette science-là, qui est totalement libre, totalement au-dessus de la polarité du vrai et du faux, bon, il n'y a plus de limite. L'homme peut apprendre n'importe quoi, l'homme peut saisir n'importe quoi, l'homme peut parler n'importe quoi, ainsi de suite. Et ça va jusque dans la science. Mais si l'homme n'a pas cette vibration, il ne peut pas parler dans la science. Comment voulez-vous inviter un homme à parler dans la science ou de la science, même de la matière, s'il n'est pas régi par cette vibration? Il va toujours être polarisé par le vrai et le faux. Il va se demander si sa définition de telle chose ou telle chose est vrai ou fausse. Et tant que l'homme se pose la question du vrai ou du faux par rapport à la connaissance, il ne peut pas rentrer dans cette vibration qui est totalement créatrice. Donc, il est piégé par la mémoire, il est piégé par sa personnalité, et il ne peut pas sortir du connu. Donc, il ne peut pas avoir une conscience occulte. On parle de conscience occulte parce qu'on est obligé de faire une différenciation entre la conscience des plans, du plan mental, et la conscience du plan de l'âme, ou du plan de l'expérience, ou du plan de la réflexion. Mais la conscience occulte ou la science occulte, c'est la science qui sous-tend toutes les autres sciences qui sont moins occultes, c'est-à-dire différenciées, partagées entre le vrai et le faux, ce qu'on appelle la connaissance. Et éventuellement, la connaissance, ça n'intéresse plus l'homme parce que c'est trop subjectif, c'est trop conditionné à l'historique, à l'histoire, à l'humanité, à la mémoire de l'humanité. Donc, il va venir un point où l'homme va réellement vouloir rentrer dans la science. La science de quoi? Ben, la science de n'importe quoi. La science des royaumes, la science du plan animal, la science du plan des plantes, la science de l'homme, la science de la matière, la science invisible, la science des autres gouvernements, la science des autres planètes, la science des... ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là qu'on passe du plan de la connaissance, qui est techniquement réfléchi au plan du savoir, qui est universel, qui est instantané, et qui appartient à tous les hommes. Hein? Alors, une personne qui supporte sa parole dans le sens de la vibration dont vous parlez, est-ce qu'elle doit également supporter la conséquence ou l'action de cette même parole? Une personne qui supporte sa parole, qui est dans la conscience de sa parole, automatiquement a la conscience de sa parole. Autrement dit, un être qui aurait conscience de sa parole ne pourrait pas vivre une vie qui irait à l'encontre de sa parole. Par contre, un être qui n'est pas dans la conscience de sa parole, qui a simplement la conscience de parler des choses, ou exprimer des idées, pourrait facilement se laisser astraliser et démontré dans son expérience que sa vie n'est pas conforme à sa parole. D'ailleurs, c'est pour ça que l'homme ne vit pas une vie conforme à sa parole. Comme les Américains disent, put your money where your mouth is. Pourquoi dans l'expérience on voit ou on réalise que l'homme dit une chose, il vit une autre chose? Parce que la parole de l'homme n'est pas une parole consciente. Ça ne fait pas partie du plan mental, ça fait partie de l'expérience de l'âme, ça fait partie de sa mémoire, ça fait partie de sa personnalité, ça fait partie de ses attitudes. Donc, cette parole, qui est inconsciente, automatiquement est assujettie aux lois de l'inconscience, et le comportement de la parole dans l'action est aussi assujetti aux lois de l'inconscience. C'est pour ça qu'on ne peut pas, on ne peut pas sentir de continuité. Un homme qui a de la parole, si on l'entend parler quand il a 20 ans, mais à 80 ans, il devrait y avoir une consistance dans ce qu'il dit, autant dans la parole que dans l'action. Et ça viendra avec l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre. Mais ça sera parce que l'homme sera sorti de l'expérience. Quand un homme ne vit plus d'expérience, sa parole, son action est la même. Quand un homme vit l'expérience, la parole est d'un poids et l'expérience d'un autre. Est-ce que vous voulez dire à ce moment-là qu'une personne qui parle à travers son expérience a tendance à s'exprimer temporairement? Il s'exprime temporairement, il s'exprime temporellement et il s'exprime par rapport au plan de l'âme. Il s'exprime toujours par rapport à la mémoire, par rapport à l'expérience, par rapport au besoin aussi de l'âme de se vérifier dans l'expérience. C'est pour ça que l'homme n'a pas d'identité. Si l'homme avait de l'identité, il y aurait de la continuité dans son être. Il y aurait de la continuité dans sa parole, il y aurait de la continuité dans l'action, qui est la matérialisation de la parole à la matière. Donc, on ne serait plus affligé dans notre expérience personnelle à la vilification de ce que l'on dit ou à la vilification de ce que l'on est. Mm-hmm. On serait dans l'action ce que l'on parle. Ça fait partie de l'évolution de la conscience mentale supérieure. Ça fait partie de l'identité, développement de la centricité, et ça fait partie aussi du pouvoir de l'homme, de la capacité chez l'homme de supporter ce qu'il sait. Et c'est pas facile de supporter ce que l'on sait, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a toujours tendance à chercher dans ce que l'on dit une valeur qui est la vérité ou le faux. Est-ce que c'est bon pour l'individu qui est dans l'expérience de s'explorer à l'intérieur de la parole? Non, faut pas qu'il s'explore à l'intérieur de la parole. Faut qu'il explore simplement la parole, et en explorant la parole, il va se découvrir. Si vous vous explorez à l'intérieur de la parole, vous allez tomber dans des états de recherche intérieure qui peuvent vous amener à la névrose, qui peuvent vous amener à une sorte de fibrillité psychique. Vous allez vivre sur les nerfs, vous pourrez pas relaxer, vous allez en arriver à analyser tout, regarder tout, vérifier tout, je suis correct, je suis pas correct, je suis correct, je suis pas correct. Donc, la parole, c'est quand elle est créatrice, c'est un feu qui permet à l'homme sur le plan mental et sur le plan matériel de d'étudier à travers elle son action dans le monde. La parole, elle est toujours créatrice quand elle est mentale. Quand elle n'est pas mentale, mais elle n'est pas créatrice, elle est simplement, elle peut être soufflée par le plan astral, elle peut être soufflée par des entités, elle peut être colorée par l'ego, elle n'a pas de lumière, elle est simplement un reflet très très sombre de cette lumière-là. C'est pour ça que la parole chez l'être humain n'est pas pour lui une mesure de ce qu'il est, elle est simplement un désir chez lui d'être quelque chose. À ce moment-là, où est-ce qu'on peut supporter sa parole si on peut pas s'explorer dans le cadre? Faut que vous vous habituiez à ne pas toujours la tester, à la vérifier par rapport au vrai ou au faux de l'évolution. Moi, quand je vous parle ou que je parle en conférence ou qu'on me demande des questions, n'importe quelle question concernant la vie sur le plan matériel ou sur les autres plans, je ne perds jamais d'énergie à vérifier intérieurement si j'ai raison ou si j'ai pas raison. Mais votre puissance d'affirmation, là, c'est pas par rapport à vous, faut que je pose la question. Une personne qui affirme, dans quelle mesure cette personne-là est capable de supporter son affirmation, partant du principe qu'elle n'est pas fusionnée? Il ne s'agit pas d'affirmer, il s'agit d'établir. Affirmer et établir, c'est pas la même chose. Quand vous établissez quelque chose par la parole, vous créez une fondation de connaissance ou de savoir qui, au fur et à mesure où vous allez parler, va s'étendre. La base de la fondation va s'étendre. Il va s'étendre. Et éventuellement, cette base-là devient tellement forte, tellement large, qu'elle elle est capable de soutenir presque toutes les questions que l'homme peut se demander face au mystère de la vie. Tandis que si vous affirmez par la parole, à ce moment-là, vous vous donnez individuellement la prérogative d'avoir raison. Vous donnez un statut. Vous vous donnez une image. Vous donnez à votre parole une importance. Donc, dans l'affirmation, il y a une tendance chez l'ego à se saisir de lui-même. Alors que dans l'établissement, quand vous établissez, d'abord pour établir quelque chose, il faut avoir la certitude. Et la certitude est basée sur la capacité de supporter la vibration. La certitude, quand vous établissez une fondation, que ce soit par rapport au monde visible ou au monde invisible, ce n'est pas basé sur la vérité ou le faux. S'il fallait que l'homme conscient parle et qu'il établisse une fondation par rapport au principe d'une certitude fondée sur le vrai ou le faux, l'homme serait totalement en émoi par rapport à ce qu'il dit. Toujours en émoi, il serait toujours presque bouleversé par l'incertitude derrière la certitude. La certitude, c'est le résultat. C'est la résultante de la capacité chez l'homme, de supporter cette intelligence mentale-là. Et c'est elle, l'intelligence mentale, qui établit au fur et à mesure où elle se développe, ou au fur et à mesure où elle se devient palpable, ou qu'elle se rend sur le plan matériel. C'est elle qui crée cette grande base-là, qui devient avec le temps tellement solide que l'homme... il découvre tous les repères dont il a besoin. Moi, je me rappelle des choses que j'ai dites en 78, en 69, en 75. Je les ai dites, ces choses, dans des modes différents, dans une dynamique différente. Le langage a certainement changé au cours des années, mais la vibration, l'idée maîtresse, la conscience créatrice est toujours demeurée la même. C'est le fil d'Ariane. Donc, il y a eu des temps où je vais parler de certaines choses d'une certaine façon pour un certain public. Dans un autre temps, je vais parler de certaines choses d'un autre point de vue pour le même public, mais il y a toujours une continuité dans le processus créatif. Mais si je regardais ce que j'ai dit à la fine loupe de la vérité du vrai ou du faux, mais à ce moment-là, je me découragerais parce que je remettrais constamment en question ce que j'ai dit. Alors que sur le plan vibratoire, puisque la parole elle est vibratoire, c'est un courant intérieur qui connecte avec toutes les différences. La parole, elle a le droit de parler, elle se donne le droit de parler comme elle veut, quand elle est vibratoire. Donc, si tu parles à un enfant de 7 ans, tu expliques le monde de l'âme à un enfant de 7 ans, bon, mais la parole ne va pas parler comme si tu expliques le monde de l'âme à un initié ou à quelqu'un qui vient des Indes, qui a plus de facilité de comprendre les aspects occultes de ce monde-là. Mais ça va toujours être la même vibration. Puis cet enfant-là, un jour, s'il vient en contact avec la mémoire de cette parole-là, mais il va y avoir une continuité. Donc, la parole, elle a une continuité parce qu'elle n'est pas affligée par le besoin de l'ego de toujours reconnaître dans ce qu'il dit le vrai et le faux. C'est pour ça que la parole ne s'affirme pas, elle établit. C'est pour ça que la parole, elle est absolue. Elle est absolue non pas dans le sens que ce qu'elle dit est invariable, mais ce qu'elle dit est consistant avec les différents niveaux de variabilité nécessaires selon la capacité de l'homme de comprendre. On peut parler de Dieu, on peut parler des gouvernements invisibles, on peut parler des hiérarchies de lumière, on peut parler des hiérarchies sataniques, on peut parler du monde de l'âme, on peut parler du monde de la mort. Mais ça, ce sont des mondes qui sont tellement vastes qu'au fur et à mesure où l'homme devient plus sensible à sa propre vibration, c'est plus facile pour la parole de parler dans un certain registre, parce qu'à ce moment-là, l'homme ne s'occupe plus de savoir à un certain moment si la parole, elle est vraie ou si elle est fausse. Il s'occupe simplement de la vibration. Et quand un homme travaille avec la parole sur le plan vibratoire et que l'homme écoute la parole sur le plan vibratoire, la polarité du vrai et du faux disparaît, et c'est à ce moment-là qu'on découvre des choses sur le plan occulte qui sont inestimables, comme ce qui s'est produit, par exemple, quand on est allé à Québec. Bon, ben, c'est là que la parole est absolue. Quand la parole devient absolue, il faut que l'homme soit capable d'en supporter la vibration. Il est là le test de cette certitude. Parce que c'est pas facile de... C'est bien beau de dire, bon, ben, l'homme est créatif, puis l'homme peut parler de n'importe quoi, mais c'est pas instantanément qu'on s'habitue à supporter cette parole-là. Moi, ça m'a pris des années, puis des années, puis des années, puis des années, pour en arriver à ne pas avoir à aller intérieurement pour dire, c'est-tu vrai ça? C'est-tu vrai ça? Ça m'a pris des années. Et puis au début, c'était très difficile, parce qu'en 69, quand j'ai vécu la fusion, le contact avec ce plan mental-là, c'était très, très difficile pour l'ego, parce que d'abord, l'ego est noyé dans une infinité. Puis cette infinité peut toujours y répondre. L'infinité a toujours des réponses. C'est comme parler avec un computer. Fait que c'est avec les années que l'ego s'habitue à parler avec le computer. C'est avec les années que l'ego s'habitue à réaliser cette infinité et cette qualité absolue du computer, si vous voulez. Puis avec le temps, il se tasse, puis il se calme, puis finalement, il n'en pose plus de questions sur le vrai et le faux. Là, à ce moment-là, il a appris à supporter sa parole. Là, il est prêt dans le monde à établir. Là, il est établi. Tant qu'il parle, puis tant qu'il crie, que ce soit directement par la parole ouverte ou que ce soit par la parole fermée comme la télépathie, bien, il continue à établir la fondation. Et l'homme conscient, l'homme nouveau, créera une grande, grande, grande, grande fondation dans un temps très, très, très rapide parce que une fois que l'homme rentrera dans la parole consciente, autrement dit dans le mental supérieur, il n'y a plus de limite à la connaissance. Il n'y a plus de limite à la connaissance. Parce que l'action qui suit aussi. Puis l'action qui suit, autant dans la mesure où elle est en relation avec sa vie là, sur le plan matériel, ou en relation avec sa vie sur le plan éthérique. Fait qu'il n'y a plus de fin. Maintenant, les gens se posent souvent la question, entre eux autres, dans les discussions qu'ils ont, ils regardent souvent le côté engagement de la personne qui parle. Si une personne parle, c'est comme s'il voulait vérifier, je parle pour celles qui écoutent, là, la personne veut vérifier dans la parole de l'autre son engagement, sa promesse à long terme. La façon que je vous entends parler du phénomène de supporter sa parole, vous semblez pas indiquer qu'un individu supporte la forme de sa parole, mais il a de l'air à supporter la vibration. Est-ce que c'est possible à ce moment-là qu'on puisse... mettons sur une échelle de 2 ans ou 5 ans, est-ce que c'est possible qu'un être humain puisse s'exprimer sur 2 formes totalement opposées l'une à l'autre et avoir de la consistance dans la vibration, dans les 2 oppositions. Est-ce qu'il est possible de pouvoir défendre une cause, d'avoir une certaine vibration, puis de défendre une cause quasiment adverse et d'avoir la même vibration? Oui. Ça fait partie de la parole. La parole est capable de défendre 2 causes en même temps parce que la parole est capable de traiter avec le vrai et le faux. Donc, par exemple, je ne peux pas le faire en public parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire en public. Mais si je discutais, par exemple, l'évolution des races sur la Terre. Bon. Les races ont un cycle d'évolution. Les races ont une fonction. Les races ont un rôle planétaire et cosmique. Il y a des races qui sont appelées au cours de l'évolution à disparaître. Il y a des races qui ont fini leur rôle évolutif. Il y a des races aujourd'hui qui sont en train de disparaître. Donc, sur le plan de la parole, bon, la parole pourrait prendre une race et expliquer la fonction de cette race-là dans le passé. Expliquer ce que cette race-là dans le passé était nécessaire et que dans l'avenir, elle ne sera plus nécessaire. Et la parole est capable de respecter cette race-là qui est en voie d'extinction. Et en même temps, expliquer que les âmes doivent se réincarner dans d'autres races parce qu'elle est insuffisante à supporter le karma mondial de sa mémoire. Mais si je disais ça en public, si je prenais une race en particulier puis je disais, bon, mais cette race-là est en voie d'extinction, je me ferais tirer. Parce qu'il n'y a personne sur la Terre qui est prête à accepter que sa race soit en voie d'extinction. Donc, pour cette personne-là, il verrait cette parole-là comme étant péjorative par rapport à sa race, alors qu'elle ne fait qu'expliquer le cyclisme historique de sa fonction planétaire. On regarde toujours la race sur le plan matériel comme étant quelque chose à laquelle on appartient, alors qu'en fait, la race n'est simplement que le véhicule à travers lequel on s'incarne. Nous, quand nous regardons la race, nous regardons une affiliation entre notre propre personnalité et ses vertus globales, Alors qu'en fait, la race n'est simplement qu'un mouvement historique, une fonction historique, à l'intérieur de laquelle des corps s'incarnent, se développent par procréation pour recevoir l'âme ou pour éventuellement recevoir l'esprit en fusion au cours de l'évolution. Donc, il n'y a rien de péjoratif de dire, bon, mais telle race doit disparaître à l'intérieur de tant de siècles, ou que telle race maintenant est en voie de disparition, ou que telle race est en voie de reformulation de son impuissance, temporairement. Et que si elle va trop loin dans la reformulation de son impuissance, elle peut être éteinte, éliminée par d'autres races qui lui sont cosmiquement supérieures, mais non pas planétairement supérieures, et ainsi de suite. Fait que la parole est capable de traiter avec ça. La parole qui est basée sur la vibration, mais la parole qui est basée sur la forme, le vrai ou le faux, n'est pas capable, donc elle va faire des erreurs. Et à ce moment-là, mais celui qui va parler, comme on dirait, « out of joint ». Autrement dit, il va parler en dehors d'un contexte réel, et là, naturellement, mais il va devenir très péjoratif parce qu'on ne pourra pas le comprendre. Et la parole doit être comprise. Quand tu parles à l'homme ou que tu parles en public, tu as toujours une grande responsabilité quand tu parles en public. Donc, tu dois être capable de réellement contrôler la vibration de ta parole. Sans ça, tu peux dire des choses qui sont abominables, qui vont frapper l'homme ou les races ou les nations et qui vont créer des égrégores très, très négatifs. Bon, la personne qui est péjorative, elle ne supportera pas sa parole. La personne qui est péjorative n'a pas à supporter sa parole. Elle n'a pas à supporter sa parole parce que ça fait partie de son expérience d'âme. Alors que la personne qui est créatrice doit supporter sa parole parce que ça fait partie de son lien avec l'esprit. Donc, on pourrait dire, techniquement, qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui est responsable de sa parole. Psychologiquement, socialement, anthropologiquement parlant, politiquement parlant, religieusement parlant, oui, les hommes sont responsables de leur parole parce que les hommes ont une responsabilité par rapport à la société. Et d'ailleurs, la société, il y a dans la société des lois qui font en sorte que l'homme est responsable de sa parole. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, dans le monde occidental, un homme qui écrirait des livres sur la haine ou qui entretiendrait la haine ou des concepts de haine dans le monde, il pourrait être amené en cour par des lois de certaines nations, parce qu'il est maintenu responsable de sa parole. Donc, sur le plan politique, il l'est. Mais sur le plan cosmique, sur le plan planétaire, sur le plan karmique, il n'est pas responsable, ça fait partie de son ignorance de parler comme ça. Donc, la société, comme elle évolue, bien, elle va le rendre responsable de sa parole. Mais il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui dans le monde occidental, surtout dans les mondes très, très avancés industriellement comme les États-Unis, où l'homme, l'individu, n'est plus responsable, n'est réellement pas responsable de son acte. Les gens, par exemple, qui vont faire de la pornographie écrite, ne sont pas responsables de leurs paroles ou de l'image qu'ils créent. Ils ont une certaine responsabilité, mais les lois sont très, très lousses et on accepte un certain degré de pornographie, malgré qu'au cours des années, ça change, puis les gouvernements prennent ça sous contrôle. Mais l'homme, dans le fond, il n'est pas responsable. S'il était responsable de sa parole, il n'en ferait pas de pornographie. Donc, être responsable de sa parole, ça veut dire, ou être responsable de ses actes, ça veut dire avoir un lien avec son esprit. Quand tu as un lien avec ton esprit, tu as une responsabilité par rapport à ta parole, mais cette responsabilité n'est plus psychologique. Dans ce sens que tu n'as plus besoin de t'inquiéter où ce qu'elle va tenir ta parole. Elle te mène toujours dans la direction où elle doit aller, c'est-à-dire vers la lumière. Elle doit ouvrir les centres de lumière chez l'homme. Tandis que l'homme, quand il est inconscient, sa parole n'ayant pas cette faculté-là d'ouvrir les centres psychiques de l'homme, l'amener vers une plus grande conscience, à ce moment-là, la parole de l'homme n'est pas responsable d'elle-même, donc l'homme n'est pas responsable de sa parole, donc il vit le karma lié à sa parole. Bon, on parle de karma lié à sa parole, il me vient Rushdie avec les versets sataniques. Bon, si on prend Rushdie, c'est un exemple. Si Rushdie avait été dans la parole, la parole n'aurait pas pu écrire le livre qu'il a écrit parce que tu ne peux pas écrire un livre qui s'intitule ou qui caractérise l'islam comme il le fait dans un temps où toute une nation fondamentaliste est en voie de révolution et de rétablissement de son statut universel sur la terre. C'est absolument aberrant. Donc, il a vécu le karma de sa parole. Il est obligé d'être totalement protégé par le gouvernement britannique. S'il avait été responsable de sa parole, il n'aurait pas écrit ceci. À ce moment-là, ben, il aurait pu écrire dans un autre mode, dans un autre rite. dans un autre rythme. Et ça, son livre aurait bien passé. L'essentiel de la vie humaine. Si Rushdie avait appris à ne pas vivre d'éléments comparatifs par rapport à son livre, à ce moment-là, il aurait écrit dans un autre registre et sa parole aurait été créative, il aurait supporté sa parole, mais il ne supporte pas sa parole, il ne fait que la canaliser. Ah, faites donc une nuance. Ouais. Canaliser sa parole, c'est parler sans intelligence, sans contrôle. Un homme qui canalise, c'est pour ça que les gens, par exemple, qui sont en contact avec l'astral, les gens qui font du channeling, là, ça c'est la canalisation de la parole à un niveau occulte. L'homme, c'est la même chose. L'homme, quand il est inconscient, il canalise sa parole. Et quand il canalise sa parole, mais à ce moment-là, il n'a pas le contrôle. Il n'en a pas le contrôle parce qu'il n'est pas capable de la supporter en dehors du vrai et du faux. Et la polarité du vrai et du faux, c'est ce qui l'attire. Il y a des hommes qui ont une vibration d'âme qui fait en sorte que la tension du vrai et du faux, ça les mesmérise. Je vous donne un exemple. What's his name? Ronaldo in the States? Oraldo. Oraldo aux États-Unis. Des gens qui font, par exemple, des gens qui vont créer des grands contrastes par la parole, puis qui vont créer des grands égrégores dans la masse. Eux, ça les met en vibration, ça met la vibration du public, mais éventuellement, ce qui se passe, et ça se passe présentement aux États-Unis, ça va se passer au Canada, ça va se passer en Europe, c'est qu'il va venir un temps où vous allez ouvrir la télévision, puis la parole va être tellement polarisée, il va y avoir tellement de tension entre le vrai et le faux, le vrai et le faux, le vrai et le faux, et ça va se manifester aussi par rapport aux religions, des religions qui vont devenir très, très antagonistes, très, très axé sur la tension du vrai et du faux, comme on retrouve, par exemple, chez les évangélistes, que la première chose qu'on va savoir, c'est que l'homme, le spectateur qui regarde la télévision, va vivre beaucoup de tensions psychiques. Ils ont fait des études aux États-Unis pendant une vingtaine d'années, et ils ont réalisé que, contrairement à ce qu'ils avaient pensé, que la télévision, au lieu de relaxer l'homme, le met en tension psychique, elle le met sur les nerfs. C'est plus de la relaxation, la télévision. Donc, on vit trop le contraste du vrai puis du faux, le bon puis le pas bon, le haut et le pas beau, puis là, c'est rendu que c'est quasiment un du pas bon, puis là, on a la mémoire que c'est à bon dans le temps. Puis les gens qui ont un certain âge, qui ont 50, 60 ans, c'est rendu qu'ils restent dans leur maison, ils ont peur de sortir. Puis les jeunes sont tous, ils vivent l'ambiguïté de leur conscience là-dedans. Puis ce qui va les amener à dire, où est-ce qu'on s'en va? T'sais? Fait que, pourquoi? Parce que les hommes qui sont dans le public ne supportent pas la parole, n'ont pas la responsabilité créatrice de leur parole. Ils ont simplement la responsabilité psychologique, civique de leur parole, juste aux limites, là. Vous écoutez, ceux qui ont un dish américain, ceux qui sont capables d'étudier, d'écouter les programmes américains, là, vous voyez qu'il y a des gens à la télévision, là, sont juste le borderline. Plus que ça, là, ils se font taper une poursuite judiciaire pour 5 millions. T'sais. Ils sont juste borderline, tellement qu'ils sont obligés d'avoir des avocats pour voir s'ils peuvent dire ça au public, s'ils peuvent dire ça sur les ordres. Fait que c'est rendu grave. Puis le public va payer pour ça parce que ça fait partie de l'évolution, ça fait partie des fausses libertés, ça fait partie de l'effondrement de la responsabilité psychologique de l'ego pour la mise en marché de notions ou d'idées ou d'idéologies qui font partie du free for all des libertés démocratiques modernes. On va payer le prix pour ça. Ça, c'est définitif qu'on va payer le prix pour ça. Définitif. Alors, est-ce que vous diriez que les personnes qui canalisent plutôt que supporter, est-ce que c'est des gens qui créent des liens karmiques avec... Quand vous canalisez, vous créez des liens karmiques, et non seulement des liens karmiques, vous créez des égrégores. Vous créez des égrégores. Quand vous êtes dans le public, moi des fois dans mes conférences, je fais des farces pour relaxer un petit peu, mais quand tu es dans le public, là, puis t'es dans les arts ou que tu rentres dans la maison des gens par le biais de la télévision, là, tout ce que tu dis, ça crée des égrégores. Ça crée des égrégores. Puis tu regardes l'évolution des arts, par exemple, au Québec, surtout dans le domaine de l'humour. C'est plus de l'humour. Là, ça devient des platitudes humoristiques. Ça manque d'esthétique. Il n'y a plus d'esthétique. Parce que ça rempironne, puis ça rempironne, puis ça va où, puis ça va où, puis ça va où, jusqu'où ça va. Il y a des gens qui se demandent jusqu'où ça va. Jusqu'où ça peut aller, l'astral. L'effet de dégradation est terrible. Donc, on vit dans ce temps-là, puis c'est très pénible. Puis nous autres, ceux qui sont jeunes, sont capables de supporter ça parce qu'ils ont plus de résistance. Mais les gens, nos pères, nos parents, les vieilles générations qui ont 50, 60 ans, ainsi de suite, sont totalement bouleversés par ça. Ils savent plus se mettre la tête. Fait que la jeunesse a une grande responsabilité, la jeunesse qui devient, elle, qui rentre dans les arts, qui rentre dans la télévision, qui rentre dans la communication publique, qui devient le porte-parole de la nouvelle génération. Cette jeunesse-là a la responsabilité de réellement nettoyer son acte, de créer des choses ou des formes qui, au moins, vont créer des égrégores, mais des égrégores qui sont plus ascendants que ce que l'on trouve aujourd'hui parce que la société va payer le prix. Puis on est rendu là. Est-ce qu'il est possible pour un individu de développer sa parole pour la supporter dans le sens que vous l'entendez, plutôt que la canaliser simplement? L'homme va apprendre à canaliser sa parole au fur et à mesure où il va réaliser ce qu'elle crée. Mais ça, ça demande un certain niveau de conscience. Mais est-ce qu'il y a une façon de le faire? Ça fait partie d'une recherche intérieure, ça fait partie d'un développement intérieur, ça fait partie d'une sensibilité, ça fait partie de... L'homme doit apprendre à se développer toujours vers un point, parce que ce point-là, il est universel, puis ça touche à tous les aspects de sa vie, l'esthétique, la beauté. Que ce soit la beauté dans le vêtement, la beauté dans la beauté, de la propreté, ça fait partie de la beauté. Mm-hmm. Ouais. Bon, là, c'est très vaste, la beauté. Il faudrait qu'on en fasse peut-être une conférence un jour. Qu'est-ce que c'est de la beauté? Donc, la beauté, ça fait partie de la vibration de l'esprit. Quand ça passe à travers l'homme, à ce moment-là, que ce soit dans son vêtement, que ce soit dans sa maison, que ce soit dans l'ordre, que ce soit dans son travail, que ce soit dans n'importe quelle expression de son être, la beauté, c'est l'harmonisation des formes et des plans de vie. Quand l'homme sort de la beauté, et on le voit à travers les modes, quand la beauté commence à se diluer, à se fracturer, à ce moment-là, on entre dans une période tribale, dans une période qui est plus rébarbative à la civilisation, et à ce moment-là, on vit les contre-coups de ceci, et à ce moment-là, s'ajoutent à ceci d'autres égrégores, dont la violence, ainsi de suite. Donc, on peut dire qu'à la fin du 20e siècle, il y a des secteurs de la société qui s'en vont réellement vers le lait, alors que d'autres secteurs de la société s'en vont vers des formes froides de beauté. Donc, par exemple, dans l'architecture, la grande architecture, les gratte-ciels. Mais ces gratte-ciels-là ont une autre fonction au niveau de la beauté sociale, c'est de leur fonction à long terme, c'est d'isoler les individus qui ne sont pas capables de s'adapter à un système, les exclure complètement pour laisser à l'extérieur de ces grands mondes-là vitrés des individus qui vivront une conscience tribale. Et ils ont fait des études aux États-Unis et ils se sont aperçus que quand dans une ville, ils créent des secteurs extrêmement lustrés, extrêmement vitrés, extrêmement propres, ils s'aperçoivent que les gens qui vivent dans les ordures ou des gens qui vivent dans des niveaux de conscience vitale très, très basses ont tendance à s'isoler et sortir de là. Et ça, dans la société, ça fait partie d'ailleurs de l'injonction dynamique de la société. On va voir que dans l'avenir, les sociétés vont développer cette sorte de froideur plastique alimentée un peu par des plantes, par un peu de soleil qui rentre dans des vitrines, et que les gens qui ne seront pas capables de s'adapter à une convention sociale progressive vont se retrouver dans des banlieues, dans des ghettos, puis ça va faire une séparation de deux mondes, et ainsi de suite. Et on voit ça souvent dans les films de science-fiction. C'est ce qui se produit en Californie avec les ghettos South Los Angeles, puis ce qui se passe près de Beverly Hills. Donc, ça va très loin, l'élément de la beauté. Puis, on est rendu à un point où les gens qui sont dans le public, puis je parle des artistes parce qu'on est une société de consommation, on écoute la radio tous les jours, il y a des gens qui sont pas capables de vivre sans la radio, parce que la radio, c'est devenu un remplacement une compensation pour le vide intérieur. Puis, donc, on se laisse constamment rabattre les oreilles par cette musique-là, puis par ces shows-là, puis par ces... Puis on est fasciné par ça parce que ces gens-là font des fortunes, surtout comme aux États-Unis. Puis la royauté n'existe plus sur la terre, la royauté est en train de s'éteindre. Vous savez ce qui se passe en Angleterre, le château même de Windsor a brûlé, c'est un signe. Hein? Donc à ce moment-là, ce qui va se produire, c'est que c'est les stars qui font des millions, puis des millions, puis des millions, qui vont devenir la nouvelle royauté. Et les gens du peuple, les gens qui vont avoir une conscience tribale vont regarder ces êtres-là. Et ces êtres-là vont devenir les rois et les reines du 21e siècle. Donc, ça va très loin. Ça va très loin. Ça veut donc dire que les personnes qui véhiculent par la parole, la chanson étant une forme de parole, sont quasiment les personnes qui définissent les prochains critères de la civilisation. Ils définissent les prochains critères de la civilisation et ils établissent les prochains paramètres de la civilisation au 21e siècle. OK. Si l'esthétique est à ce moment-là très important, les gens qui font exemple de la chanson disposent de capitaux phénoménaux pour rendre esthétique leur musique, même si le contenu est discutable, où est-ce qu'elle se situe exactement, l'esthétique dans la parole? L'esthétique dans la parole se situe toujours dans les égrégores qu'elle crée. Autrement dit, même si vous dites, bon, mais cette musique rock-là, c'est au bout. Même au bout, c'est pas esthétique. Vous êtes même pas capable de dire si elle est très belle, cette musique rock-là. Ça, c'est dur. Ça, c'est une très belle musique rock. Mais c'est plus facile de dire, cette musique-là est super. Ou est au bout. Regardez les mots. Mm-hmm. Regardez les mots que vous utilisez quand vous définissez le principe d'esthétique par rapport à une forme. Vous allez voir que ça vient pas facilement à l'esprit, à votre esprit de dire que cette musique rock-là, elle est très belle. Le mot qui va sortir de votre esprit, c'est cette musique rock-là est au bout, ou est pétée, ou est quelque chose de même. Là. Bon. Alors, mais à ce moment-là, l'esthétique, c'est... Bernard, où est-ce qu'on voit de l'esthétique dans la parole? L'esthétique dans la parole ou dans l'expression, elle est mesurée selon les égrégores qu'elle crée. Donc, si vous avez du rock, et que ce rock-là crée de la violence, il n'y a pas d'esthétique okay. dans le rock. Il y a simplement de l'impression. Okay. Faire l'erreur de prendre l'impression pour de l'esthétisme. Être impressionné par de la musique, c'est une chose. Ça ne veut pas dire que la musique, elle est esthétique. Elle vous impressionne. Mm-hmm. Chier à terre, ça impressionne. Mais ce n'est pas esthétique. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Mais ça impressionne. Là, vous dites, il est au bout, le gars, il a chié à terre, il a baissé ses culottes. Mm-hmm. Il est libre. Vous comprenez? On le sent. On le sent. Puis aujourd'hui, on a tendance à prendre l'impression, beaucoup d'égrégores astrales pour de l'esthétisme, parce que nos sens ont été vilifiés, nos sens ont été abrutis. Ils ont été abrutis. Les gens qui sont dans la musique, les gens qui sont dans la peinture, les gens qui sont dans les arts, ou les gens qui sont réellement dans les hautes sphères de ces expressions-là, là, qui sont très près de ceci, dans le sens esthétique du terme, ont, eux, la sensibilité de l'esthétisme de la forme. Alors que d'autres qui sont simplement dans l'astral de l'impression ne sont pas dans l'esthétisme de la forme, ils sont simplement dans l'impression de la forme. Et aujourd'hui, ce que l'on vit, ce que l'on reçoit en tant que consommateur dans le monde, c'est beaucoup plus de l'impression que de l'esthétisme. Et pour un petit peu renforcer ce que je dis, par exemple, si vous prenez Zeffirelli aux États-Unis, qui a fait des opéras là, à New York, à Broadway, là, avec des gros décors, des décors monstres, on l'a critiqué de se servir des décors, de faire beaucoup de décors, mais de s'éloigner de la substance musicale de Verdi, par exemple, mm-hmm. ou de Puccini. Beaucoup. Puis ils ont raison. Parce que le bonhomme de la rue, le petit Montréalais qui s'en va à New York, ou le New Yorkais qui s'en va voir l'opéra, qui n'a pas la sensibilité esthétique de la forme, à ce moment-là, ben, si on y pète des décors, ben, il va être impressionné par le décor. Mais si on y faisait simplement du Puccini sans décor, mais il trouverait peut-être ça plate. Parce que ses sens ont été ont perdu de leur acuité. Donc on doit retourner comment il s'appelle celui qui a fait E.T. là, comment il s'appelle là? Spielberg. Spielberg, il dit dans l'industrie du cinéma américain, c'est tout l'effet. On est rendu là des maniaques de l'effet spécial. On doit retourner au roman. On doit retourner à l'écriture. Il n'y a plus d'écriture. On fait des scripts vite même. Puis tout est basé sur les effets. C'est tout. Donc, on est encore amené à des niveaux de perception totalement astrales. Et ces niveaux de perception astrales apportent beaucoup d'argent. Puis là, ça fait encore plus d'effets spéciaux. Fait que la première chose que tu sais, des écrivains qui ont réellement la plume, qui sont capables d'écrire des beaux textes, qui sont réellement dans l'esthétisme de la littérature, ne peuvent plus porter à l'écran des œuvres parce que aujourd'hui on est bien plus intéressé à l'impression qu'à l'esthétisme. Faites une grosse différence entre l'impression et l'esthétisme et vous verrez un jour que c'est pas facile parce que on a tendance à concevoir que l'impression, c'est esthétique si elle crée en nous une vibration, si elle crée en nous une réponse. Et ça, c'est l'illusion astrale de la civilisation moderne. Et c'est pour ça qu'on est en train de s'en aller vers une déchéance auditive, une déchéance visuelle à un point tel où on n'a plus de sens de ce qui est réel, autrement dit proche de l'esthétisme, et de ce qui est totalement façonné par des marchands de la mort, les marchands de l'exploitation, les marchands de la rue, les marchands de l'âme, les marchands de l'astral. Comment qu'on peut se rééduquer à l'esthétique? Il faut qu'on le fasse seul, très seul, tout seul. Et tout seul, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à respecter votre vibration, parce que quand vous écoutez une musique et que vous respectez votre vibration peut vous éloigner de la musique, puis d'autres gens vont dire « Ah ben tu devrais écouter ça ». Puis toi, tu vas y aller parce que tout le monde t'amène là. Tu ne peux pas développer ton esthétisme, autrement dit, tu ne peux pas te rapprocher des lois vibratoires de l'esprit si tu n'es pas capable de te tenir seul face à ce que tu reçois. Si tu n'es pas capable de vibrer seul par rapport à ce que tu reçois, et si tu n'es pas capable de juger seul ce que tu reçois, si tu es obligé de vivre par rapport à l'approbation des masses, par rapport à l'approbation des médias, t'es fini parce que tout est astralisé. Et vivre la solitude par rapport à l'esthétisme, ça n'est pas facile. C'est une initiation astrale, c'est une initiation éventuellement mentale, c'est-à-dire que ça mène éventuellement l'homme à l'isolation de son être par rapport à tous les hommes morts qui évolue sur la terre ou qui évolue sur la terre. Tu ne peux pas vivre ton esprit et à la fois te faire vampiriser. L'homme doit être capable de supporter, ça revient encore à supporter sa vibration. Mm-hmm. Combien de fois dans la vie on a une vibration qui nous isole d'un certain mouvement, puis on a une autre tendance qui nous amène dans le mouvement. Puis il y a une différence entre une vibration et une tendance. Une tendance, c'est astrale. Une vibration, c'est rigide, c'est fort. Une vibration, ça se discute plus. Une tendance, ça se discute. Une vibration, ça se discute pas. Ouais, c'est vrai. C'est vibratoire, ça fait partie de ton mental. Une tendance, ça se discute. Fait que si vous commencez à discuter les tendances, vous allez discuter les tendances toute votre vie. Mais si vous avez une vibration, si vous êtes vibratoire par rapport à telle chose, que ce soit le linge, l'architecture, ce que vous mangez, ce que vous vivez, ça fait partie de votre être. À ce moment-là, vous respectez la loi de l'esthétisme, c'est-à-dire la loi de l'harmonie entre le plan mental et le plan matériel. Quand une personne est impressionnée, est-ce que c'est automatiquement lié à de la collectivité? Quand une personne est impressionnée, elle est automatiquement liée au pouvoir de la collectivité sur ses centres, sur ses sens, sur son corps astral, sur son corps mental inférieur. Donc, automatiquement, elle lui enlève de l'identité. De l'impression, ça enlève de l'identité. De l'impression, ça enlève l'identité. Ce que l'impression doit faire dans le monde, elle doit nourrir le corps astral, mais elle ne doit pas l'affaiser. Je vous donne un exemple. Vous allez voir un film de Bruce Lee, ça vous crée une impression. Je parle surtout aux hommes. quand tu sors d'un film de Bruce Lee et que tu sors du théâtre, tu es déjà dans un état d'impression assez avancé pour que si quelqu'un t'achète, tu vas y sacrer une claque, comme Bruce Lee fait. Ça va disparaître après 2-3 heures, là, parce que la vibration va partir. Mais quand un gars va voir un film de Bruce Lee, là, check tout et parle-y pas trop mal, parce qu'il va t'en taper une, parce qu'il vient d'être impressionné par cette énergie-là. Mm-hmm. Donc, mais si l'homme était conscient et qu'il allait voir un film de Bruce Lee, tu peux voir n'importe quoi. C'est pas ce que tu vois qui est le problème, c'est comment tu interprètes vibratoirement ce que tu vois. Fait que tu vas voir un film de Bruce Lee, c'est intéressant, il y a de l'action, il y a de la compétence, ainsi de suite. Bon. Mais quand tu sors du théâtre, puis quelqu'un t'approche, puis veut te, qui t'insulte, mais il faut que tu aies assez de contrôle sur ton énergie astrale, parce que tu as assez de contrôle sur ton énergie mentale, pour avoir la même conduite par rapport à lui que tu aurais eu si tu n'étais pas allé voir le théâtre. Autrement dit, tu t'éloignes des cons. T'sais. Fait qu'on est constamment impressionné, puis aujourd'hui, on est rendu à un point dans la civilisation moderne où c'est devenu un art très, très avancé d'impressionner. Tout est basé sur l'impression. L'advertising, c'est basé sur l'impression. La mode, c'est basé sur l'impression. Les automobiles, le design des automobiles, tout est impression. Et l'homme, aujourd'hui, est assujetti à tellement d'impressions qu'il se regarde, puis il est obligé d'aller se nourrir de ça. Sans ça, il sent qu'il vit pas. Il a peur de pas vivre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'identité. Est-ce qu'une personne qui parle doit faire attention à ne pas impressionner? Avec le temps. Vous pouvez pas ne pas impressionner vous pouvez pas ne pas chercher à impressionner quand vous parlez parce que l'ego est encore en place. Il n'y a pas de transparence dans l'ego. Vous avez encore besoin de vous confirmer dans votre intelligence. Vous avez encore besoin d'être bien reçu. Vous avez encore besoin de l'approbation des autres. Vous avez encore besoin d'être perçu comme étant intelligent. Mais avec le temps, ça, cette habitude-là qui fait partie de l'évolution, ça va disparaître, puis éventuellement, l'homme n'aura plus à vivre ça. Puis à ce moment-là, il n'y en souffrira plus de ça. Quand une personne parle et qu'elle est dans une certaine vibration, comme exemple, si vous parlez puis vous faites un travail qui ne veut pas être impressionnant, mais qu'une personne est impressionnée, est-ce que les gens s'auto-impressionnent? Les gens s'auto-impressionnent, puis ça c'est pas bon, parce que si l'homme s'auto-impressionne, à ce moment-là, il perd de l'identité. Mais quand vous vous laissez impressionner par quelqu'un, vous perdez de votre identité. Quand vous vous laissez impressionner par quelqu'un qui vous parle, un ami, vous perdez de l'identité. Quand on est en communication avec l'homme ou que l'homme nous parle, ainsi de suite, on doit vivre cette communication-là dans le sens d'aller chercher ce qui est utile pour nous. Mais on ne doit pas aller chercher de l'impression qui nous diminue. Comment on peut enlever de l'impression dans une interface comme... Parce que les gens, naturellement, se comprennent. En apprenant, puis ça, c'est pas facile, en apprenant à réaliser qu'on est tous intelligents. Puis ça, c'est pas facile, parce qu'on est tout, on a été dit pendant des siècles qu'on est stupide. Fait que, prendre conscience qu'on l'est intelligent, ben on n'est pas habitué à l'être, c'est une chose. Bon, maintenant, on prend quelqu'un. Mais de là à ne pas être capable, en tant qu'individu, en rapport avec d'autres personnes, de réaliser qu'on est intelligent. C'est un a priori, ça. C'est un a priori. Un homme doit être capable d'établir cet a priori-là qu'il est intelligent. Avec le temps, il va s'habituer à être de plus en plus intelligent. Mais si l'homme n'est pas capable de partir de cet a priori qu'il est intelligent, qu'il a une certaine lumière, puis que c'est avec les autres qui l'ont, la lumière, à ce moment-là, il est foutu. Là, il va se laisser impressionner. Puis c'est dans ce sens-là, et c'est pour ça que des gens comme moi deviennent dangereux pour ces gens-là. Non pas parce que ces personnes-là sont dangereuses en elles-mêmes, mais parce que les hommes font de ces personnes-là des personnages. Donc là, vous entrez dans le cul de la personnalité, ainsi de suite. Bon, c'est bien beau de dire, a priori, on est intelligent, mais une personne qui ne se voit pas intelligente, comment on l'amène à l'être. Faut qu'elle s'amène à supporter ce qu'elle est. Donc, faut que ça passe en premier par elle-même. Faut que ça passe par elle-même. Une personne ne pourra jamais vous convaincre que vous êtes intelligent, parce que c'est infini l'intelligence. Donc, elle va vous convaincre que vous êtes intelligent à un niveau, puis après ça, vous allez rentrer dans une autre vibration, puis là, vous allez sentir des lacunes. C'est vous-même qui devez établir une fois pour toutes que vous l'êtes. Après ça, une fois que vous l'aurez bien établi que vous l'êtes, puis que vous vous donnerez la chance de parler, il y a des gens qui vont dire, ah ben moi je suis pas intelligent, je peux pas parler au monde. Ça c'est une illusion. Donnez-vous la chance de parler au monde, et donnez-vous la chance de parler avec des gens, puis vous allez voir que ça sort. Ça, une fois que vous ouvrez à barrière, les chevaux vont sortir. Vous ouvrez à barrière. Et après ça, ben, vous allez voir que, oups, il y a un cheval qui sort, deux chevaux qui sortent, puis finalement vous allez voir que vous êtes des bons cowboys. Mais si vous ne donnez pas la chance d'ouvrir la barrière, ben à ce moment-là, vous ne pourrez jamais avoir la mesure de votre capacité de tirer le gun. Bon, y a-t-il des situations privilégiées qui permettent à une personne d'ouvrir la fameuse barrière? Est-ce qu'il y a des situations où on peut vivre l'impression d'être intelligent? Je prends un exemple, une personne qui ne se sent pas intelligente, qui va expliquer à quelqu'un qui est moins intelligent qu'elle quelque chose et d'y faire comprendre. Est-ce que c'est un moyen pour cette personne-là de se savoir intelligente ou c'est ça la cale plus? Un moyen de faire reconnaître une personne qui est intelligente, c'est d'y dire qu'elle l'est quand elle vous dit quelque chose d'intelligent, au lieu de toujours la questionner puis essayer d'avoir sur elle une ascendance. OK, c'est de lui reconnaître. C'est de lui reconnaître. Si elle a un petit peu d'intelligence, bien, reconnaisse-lui ce petit peu-là, sans dire que c'est un petit peu d'intelligence. C'est intelligent, ça. Fait que là, elle va prendre confiance, puis elle va s'habituer à l'être. On n'est pas habitué à l'être parce qu'on s'est fait dire qu'on l'était pas. Okay. C'est grandi à l'université, là, quand on a des doctorats, là, qu'on établit qu'on l'est parce qu'on nous donne un papier. Mais il n'y a pas un danger de rendre la personne dépendante d'une forme d'approbation ou une personne qui n'est pas intelligente. L'approbation, c'est la reconnaissance. Mais pour une personne qui n'est pas intelligente, c'est difficile. Ça n'existe pas une personne qui n'est pas intelligente. Non, mais... Il y a des gens qui sont intelligents un petit peu. Il y a des gens qui sont intelligents un petit peu plus. Mais tout le monde a un petit peu de lumière. Un homme qui n'a pas de lumière, ça n'existe pas. La preuve, c'est qu'on pense. Donc, il y a de l'intelligence. Ouais. Seulement que c'est très astralisé. Fait que si quelqu'un vous dit quelque chose qui a de l'allure, ben, tu dis, bon, c'est ça. T'as raison. Bon. Oui. T'es intelligent, ça. Quand est-ce que, je vous donne un exemple, le stupide, quand est-ce qu'un homme va arriver, puis il va voir un bel homme, puis il va dire, maudit que t'es beau. C'est assez rare. C'est rare, hein? Maudit que t'es beau. Une femme va plutôt le faire à la place. Ouais. Ouais. Bon ben, c'est la même chose au niveau de l'intelligence. C'est rare qu'on va dire, ouais, c'est intelligent ça. Ouais. Ouais, c'est intéressant ça. C'est quoi le mécanisme qui fait que les gens censurent ça? Ce qui met, on n'a pas de générosité. Ça prend de la générosité pour dire à quelqu'un d'être intelligent. Ah, c'est facile de dire à quelqu'un qui est intelligent quand il y a beaucoup de ça. Mais c'est pas lui qui a de besoin. C'est l'autre qui a de besoin. Là, ça prend beaucoup de générosité pour dire à quelqu'un, t'es intelligent. Ah, t'es intelligent, ça. T'es intéressant, ça. Parce que tout le monde en a des flashs. Il y en a, ça dure un quart de seconde. Mais c'est un flash. Ah oui. Nous autres, on veut rien que des flashs qui durent 2 heures. Ouais. Flash. T'es intelligent. Mais ça fait partie de la générosité dont je parlais tout à l'heure. Et les hommes n'ont pas suffisamment de générosité. Puis savez-vous pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas? Parce qu'ils sont trop occupés. Ils ont trop de problèmes de leur propre intelligence. Parce qu'ils ne savent pas, puis ils ne réalisent pas eux autres qui en ont de l'intelligence. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne leur a pas dit aussi qu'ils l'avaient. C'est bon pour tout le monde, ça. C'est une pilule pour tout le monde de se faire dire que, ouais, c'est intelligent, ça, vraiment. C'est intéressant. Ouais. Quand le monde s'habituera, surtout les gens conscients en évolution, s'habituera à se faire dire, ouais, t'es intelligent, ça. Mais à ce moment-là, fais-moi ça. À ce moment-là, ben, la personne apprendra à prendre confiance, parce que notre confiance a été détruite. Oui, c'est vrai. Je prenais l'exemple de comment il s'appelle, le type là, qui est au l'hôtel là, à Montréal, là. What's the hotel in Montreal? Where they're doing your jewelry tonight? Au Bonaventure, là, il y a une exposition de joaillerie là, à Bonaventure, là. Il y a un type là, que je connais là, qui est là. Puis il est pas allé à l'école. Il était pas bon à l'école. Il avait pas de bonnes notes quand il était à l'école. Il a vécu pendant des années, puis il a questionné son intelligence en tant qu'artiste pendant des années. Il en a souffert pendant des années. Là, il vient de faire une exposition de joaillerie là, au salon des métiers d'art. Au salon, là, dans le casier 728, là, 728 de la cabane. Puis il y a 728. Il a fait quelque chose d'absolument remarquable. Là, il rentre dans son intelligence. Là, créatrice, là il est bien. Là, il commence à savoir qu'il est intelligent comme artiste. Il a souffert pendant des années de temps. Pourquoi est-ce que, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ne disait pas que tu étais intelligent? Puis il y en a combien de gens comme ça qui n'ont pas de diplôme, qui ne sont pas à l'université, qui cherchent une identité créatrice parce que l'homme, il faut qu'un...